Merci Manu Farine, à la semaine prochaine. Au départ, il y a une petite librairie de 15 mètres carrés spécialisée dans le cinéma dans la vieille ville de Nantes. Et puis la librairie devient éditrice et du cinéma passe à l'imaginaire et à la science-fiction avec d'abord un catalogue étranger dont une prise de guerre qui lui permet de se consolider, Terry Pratchett et sa saga du Disque Monde. Puis peu à peu des auteurs français et non des moindres, Pierre Bordage qui publie sa trilogie des Guerriers du Silence, puis Roland Wagner, Serge Lehmann et aujourd'hui Catherine Dufour. En 30 ans, la Talente est devenue l'un des piliers de la SF en France. C'est son anniversaire que nous fêtons aujourd'hui. La Talente, 30 ans au compteur, c'est le programme célébratif qui est le nôtre. Pour l'heure qui vient, bienvenue dans la méthode scientifique. Et nous avons le plaisir de célébrer cet anniversaire en compagnie de Mireille Rivalan. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directrice littéraire de La Talente et une toute nouvelle autrice dans votre collection, mais une autrice que nous connaissons bien, la méthode scientifique. Bonjour Catherine Dufour. Bonjour Nicolas. Vous avez publié votre premier roman à La Talente au mois d'octobre dernier, il s'appelle « Entend la nuit ». Mais avant de plonger dans l'histoire féconde de cette figure mythologique qui est Atalante, c'est une autre femme puissance, déesse hebdomadaire de l'information scientifique que l'on retrouve. Bonjour Natacha Triou. Bonjour Nicolas. C'est le journal des sciences. Le journal des sciences. Et on commence avec le premier sujet de ce journal. Selon une récente étude parue dans PNAS, la fonte des glaces en Antarctique s'accélère. Et l'Antarctique fond 6 fois plus vite qu'il y a 40 ans. C'est une étude qui a été réalisée à partir d'images radar satellitaires. Elle montre qu'entre 1979 et 1990, l'Antarctique perdait en moyenne 40 milliards de tonnes de masse glaciaire chaque année. Depuis 2009, on est passé à 252 milliards de tonnes par an. Alors en juin dernier, dans Nature, une étude similaire avait été très relayée. Ce n'était pas les mêmes méthodes de mesure, mais que ce soit des méthodes d'altimétrie, de gravimétrie ou comme ici, la méthode des entrées-sorties du flux des glaces, même constat, les pertes de masse de l'Antarctique s'accélèrent. Ce qui est d'autant plus un signal fort de la communauté scientifique. Alors jusqu'à présent, on s'intéressait surtout à l'ouest de l'Antarctique. Là, les chercheurs se sont également penchés sur une autre région, l'est. Jérémy Mougineau est chercheur au CNRS et co-auteur de cette étude. Selon lui, cette zone mérite une attention accrue. La grande différence dans l'étude qu'on a faite, c'est que on montre qu'il y a certains secteurs qui semblaient être à l'équilibre, qui ne le sont probablement pas, particulièrement en Antarctique de l'Est, où nous, on observe sur toute la période une légère perte de masse, mais qui s'accumule à chaque fois. L'endroit où les changements, disons, sont les plus importants, c'est à l'ouest. Donc l'ouest, ça correspond à... Il y a une péninsule, en fait, qui est la continuité de l'Amérique du Sud. On observe un affaiblissement des plateformes de glace, les glaciers qui y ont accéléré de 70%, des changements vraiment importants. De l'autre côté, on a l'Antarctique de l'Est. Donc l'Antarctique de l'Est, c'est là où il y a la base française. Ça correspond à la région qui serait au sud de l'Australie, disons. Et ce secteur-là, la dynamique, elle a moins changé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des changements aussi catastrophiques que ce qu'on voit de l'autre côté. Par contre, c'est un secteur qui contient beaucoup plus de glace et sur lequel, dans l'étude qu'on a, on voit un déséquilibre entre ce qui rentre et ce qui sort. Le secteur donc à l'est de Wilkes Land, et c'est dans ce secteur-là où on voit une perte de masse qui mériterait peut-être un peu plus d'attention pour voir ce qui s'y passe, parce qu'il y a vraiment, comme vous disiez, un potentiel énorme. Et en Antarctique de l'Est, en fait... Alors, c'est pas tous les secteurs qui sont affectés, mais le secteur qui est affecté contient plusieurs mètres de hausse du niveau des mers. Donc, c'est pas quelque chose qui va changer du jour au lendemain, mais c'est un secteur critique du fait du potentiel qu'il a à élever le niveau des mers. L'impact sur l'élévation du niveau des mers, c'est ce qui inquiète le plus les chercheurs. On estime que la fonte de l'Antarctique est responsable d'une montée du niveau des océans de 1,4 cm. Alors pour la conversion, 360 gigatonnes de glace par an, cela équivaut à 1 mm par an de hausse du niveau des mers. Alors quand on dit fonte des glaces, on a souvent l'image d'un glaçon qui fond. Alors c'est ce qui fait fondre, ce n'est pas l'atmosphère, il fait trop froid. Quoique au Groenland encore, ça se réchauffe aussi. C'est la calotte antarctique qui est attaquée à sa base par le réchauffement des eaux océaniques. C'est pour cette raison d'ailleurs que la région ouest est plus fragilisée que l'est. La zone côtière est plus grande, comme c'est une péninsule, elle est en contact étroit avec l'océan et elle est donc plus sensible au réchauffement. Il y a deux semaines dans le journal, on vous parlait de la hausse des températures des océans. On sait que le climat va continuer de se réchauffer. Alors quelles sont les prévisions ? Étienne Berthier, glaciologue au CNRS et au LEGOS. Les prévisions sont difficiles, parce que justement, on découvre en ce moment cette dynamique bien particulière de l'Antarctique et cet effet du réchauffement des eaux océaniques. Et donc, tout un travail qui va être à faire par les glaciologues et puis les modélisateurs de l'océan, c'est d'arriver à simuler ces évolutions récentes. Là, en termes de projection, on a des scénarios assez différents. Avec des scénarios un peu catastrophes où le niveau des mers pourrait monter jusqu'à 2 mètres à échéance 2100 à cause justement de phénomènes d'emballement en Antarctique. D'autres travaux, eux, sont beaucoup plus modérés sur la perte de masse future de l'Antarctique à échéance de 2100 et parlent plutôt de 20-30 cm. Ces chiffres que j'annonce sur l'Antarctique, évidemment, il faut ajouter ceux de la fonte du Groenland, de l'ensemble des glaciers de montagne, qui sont beaucoup plus petits en volume, mais qui fondent, on le sait, très vite, et donc contribuent de manière significative à la hausse du niveau des mers. Et puis, la dernière composante importante, c'est le réchauffement de l'océan, qui se dilate, et donc qui occupe plus de volume, et qui donc monte tout simplement par cet effet un peu de réchauffement. Pour donner les ordres de grandeur, si cette calotte fondait totalement, le niveau de l'ensemble des mers du globe monterait en moyenne de près de 60 mètres. Donc c'est vraiment un énorme stock d'eau douce, d'où l'intérêt des scientifiques pour étudier son évolution, voir sa contribution à la hausse actuelle du niveau des mers, et puis aussi pouvoir mieux prévoir l'évolution future de cette calotte, qui va donc en partie dicter l'évolution future du niveau des mers. En bref, on reste en Antarctique où les chercheurs ont découvert des traces de crustacés et d'invertébrés conservés dans un lac sous 1 km de glace, Natacha. Le lac Mersey est un lac subglaciaire qui est coupé de l'océan et de l'atmosphère depuis des milliers d'années. Et pendant leur carottage, les scientifiques ne s'attendaient pas du tout à ça. On imaginait trouver des microbes, mais pas une forme de vie plus élaborée. Alors pour le moment, on n'explique pas bien l'origine de ces crustacés, s'ils vivaient réellement dans ce lac ou s'ils proviennent de l'océan. David Harwood, le micro-paléontologue de l'expédition, a déclaré « C'est intéressant de penser que la vie peut exister dans des environnements aussi extrêmes. Cela reconfigure aussi notre façon de penser, et notamment sur ce que nous pourrions découvrir dans l'espace. » Deuxième sujet cette semaine dans la revue Cancer Cell, des chercheurs de l'université de Bâle ont converti des cellules cancéreuses en cellules adipeuses, autrement dit en cellules de gras, pour stopper leur prolifération. Ils se sont intéressés à une voie de signalisation cellulaire qui tient un rôle dans la plasticité des cellules cancéreuses. Il s'agit de la transition EMT, transition épithélio-mésenchymateuse, un processus embryonnaire qui est réactivé par les cellules malignes et qui leur permet de modifier leurs propriétés moléculaires. Ici, l'équipe a ciblé les cellules cancéreuses au cours de ce processus. Ils ont implanté sur des souris une forme de cancer du sein humain et ils les ont traitées avec deux médicaments que l'on utilise déjà, la rosiglitazone et le tranétinib. Leur combinaison a activé l'adipogénèse, le processus de différenciation où les cellules deviennent des adipocytes. Les cellules qui ont été converties en graisse ne sont jamais redevenues cancéreuses et la formation des métastases a été stoppée. Gérard Cristofori est professeur de biochimie à l'université de Bâle. Il a dirigé cette étude. The other drug that we used is trametinib, which is a MEK inhibitor. L'autre molécule que nous utilisons est le trametinib, qui est un inhibiteur de MEK, et nous avons trouvé que c'est cela qui inhibe le processus qui inhiberait aussi la formation des cellules graisseuses. Nous devions principalement empêcher que les cellules agressives de cancer du sein restent des cellules de cancer du sein, mais aussi faire en sorte qu'elles puissent devenir des cellules graisseuses. C'est donc l'association de deux molécules qui nous a permis cette transdifférenciation. L'idée à propos de ces inhibiteurs vient de l'observation suivante. Les cellules agressives de cancer du sein ont besoin d'une voie de signalisation qui est appelée le facteur de transformation de croissance bêta, et c'est ce facteur qui induit l'agressivité des cellules, le processus que nous appelons transition épithélio-mésenchymateuse. Mais dans le même temps, cette transformation de croissance bêta empêche ou inhibe la création de cellules adipeuses. Donc, ce que nous avons dû faire, c'est disséquer la voie de signalisation. Il y a une voie de signalisation canonique et une voie non canonique. Et nous avons trouvé cette MEK, qui est une voie non canonique de transformation de croissance bêta, qui inhibe la genèse adipeuse, donc la formation de cellules graisseuses. En bref, on a découvert cette semaine un nouveau type de vaisseau sanguin à l'intérieur de nos os. En 2019, il reste encore des découvertes anatomiques à faire. On se doutait de la présence d'un apport sanguin complexe dans l'os. Ce sont les progrès dans le domaine de l'imagerie qui ont permis cette découverte. Grâce aux observations au microscope à rayon X, on sait désormais qu'un millier de capillaires sanguins traversent la totalité de l'os cortical. Ils ont été baptisés vaisseaux transcorticaux. Selon les chercheurs, 80% du sang artériel et 59% du sang veineux passent par ces canaux. Leur fonctionnement exact reste à l'étude. Et par ailleurs, la semaine dernière, des chercheurs canadiens ont créé dans des boîtes de pétri des vaisseaux sanguins humains artificiels. C'est dans le cadre de la recherche contre le diabète que des scientifiques ont réalisé ces premières cultures à partir de cellules souches. Ils ont recréé un environnement diabétique afin d'avoir de la matière pour travailler. Les auteurs de l'étude précisent aussi que ces organes miniatures en boîte de pétri, c'est très utile pour la compréhension du diabète, mais aussi pour de nombreuses maladies, telles que la maladie d'Alzheimer. Et justement, à propos de la maladie d'Alzheimer, une étude parue lundi dans Nature Medicine permettrait de diagnostiquer la maladie par une prise de sang, et ce, plusieurs années avant l'apparition des premiers symptômes. 15 ans avant les premiers symptômes de déclin, la maladie d'Alzheimer provoque déjà la mort des cellules neuronales. Les restes de ces cellules circulent dans le sang, et notamment une protéine, la protéine neurofilament, appelée NFL. L'équipe allemande a examiné le sang de 162 patients neutres et celui de 234 patients ayant une prédisposition à la maladie. Pour eux, le taux de NFL est nettement supérieur. Pour la prévention d'Alzheimer, c'est donc assez prometteur, mais il reste encore à déterminer à partir de quand ce taux de NFL devient un signe de maladie. Et on connaît enfin la durée exacte d'une journée sur Saturne, Natacha. Oui, une journée dure 10h, 33 minutes et 38 secondes. C'était l'un des mystères de notre système solaire, puisque la géante gazeuse n'a pas de surface solide, donc pas de point de repère pour faire des mesures. Sauf que les anneaux de Saturne réagissent aux vibrations internes de la planète, un peu comme un sismomètre. Et c'est donc grâce à l'analyse de leur oscillation qu'on a pu déterminer sa vitesse de rotation. Et pour finir, comme chaque semaine par notre rubrique de science improbable, un biologiste américain s'est intéressé à la taille des pénis des Bernard l'ermite, qui sont particulièrement longs, Natacha. Il y a deux choses à savoir sur l'intimité de ces crustacés. Ils ont en effet un sexe immense, c'est-à-dire que proportionnellement, ça représente la moitié de leur corps. Ce qui est beaucoup. Et ensuite, leur accouplement, c'est un des moments les plus dangereux de leur existence. C'est-à-dire que pendant leurs ébats, les crustacés sortent de leur coquille, au moins à mi-chemin, et risquent donc à tout moment de se la faire voler, et donc de mourir. Alors... La coquille. Oui. Comme un étui pénien. Alors cette étude de ce biologiste, il a observé l'évolution de 328 spécimens et pour lui, les crustacés ont développé cette morphologie pour favoriser une reproduction sécurisée. Grâce à leur grand pénis, les crustacés peuvent donc avoir des rapports sexuels tout en s'accrochant à leur coquille. Je ne ferai pas de parallèle douteux sur l'espèce humaine. Aucun. Toi, merci beaucoup, Natacha. À la semaine prochaine. Catherine, vous voyez prendre des notes comme d'habitude. Vous êtes toujours très attentive à l'actualité scientifique. Il y a quelque chose qui a retenu votre attention? Les 60 mètres d'augmentation de si toute l'eau, toute la glace fond. Enfin non, je suis juste terrifiée. C'est pas de l'attention, c'est de la terreur. Bon, bah écoutez, on va s'en tenir à ça. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Allez, on va sortir les cotillons, les serpentins, les langues de belle-mère, puisque nous fêtons un anniversaire aujourd'hui, celui de l'une des principales maisons d'édition française de science-fiction et d'imaginaire, La Talente. Nous célébrons cet anniversaire avec Mireille Rivalan, qui est directrice littéraire, et Catherine Dufour, qui vient d'y publier En temps la nuit, c'est au mois d'octobre dernier. Alors en fait, c'est un double anniversaire, parce que, si l'on regarde bien, ce sont effectivement les 30 ans de la maison d'édition de science-fiction, mais les 40 ans de l'ouverture, en 1979, par Pierre Michaud, à Nantes, de la librairie La Talente, qui déménagera rue des Vieilles Douves, où elle se situe encore aujourd'hui, en 1986, de libraire à éditeur. Écoutez ce qu'en disait Pierre Michaud en 2001 à nos camarades de France Bleu. Ça a commencé par une librairie, une petite librairie, et le contact avec les livres, avec la clientèle, a donné envie d'aller à une autre fonction dans le même monde du livre. Oui, puis le désir de jouer un rôle, un autre rôle que simplement celui de marchand dans le livre. Bon, avoir envie de faire naître des objets, participer à cette production-là, quoi. Parce que finalement, oui, on est des intermédiaires entre l'auteur et le lecteur, et la seule caractéristique qui dépend de nous, qu'on apporte, nous, éditeurs, c'est l'objet. L'objet, c'est pas l'auteur. L'objet, c'est nous. Donc, cette espèce de transformation de ce qui est un texte en un objet à destination du public. Pierre Michaud, qui a pris sa retraite en 2014 et qu'on salue s'il nous écoute dans sa petite maison au bord de la mer. Mireille Valence, ça vous fait rire, cette archive de Pierre Michaud, pourquoi ? Alors, d'abord, c'est de l'émotion. Et c'est la façon dont Pierre a de présenter son métier. Il a toujours eu cette façon-là de le faire et elle correspond vraiment intimement à ce qu'il pense. C'est-à-dire qu'il a toujours dit d'ailleurs, ce n'est pas un métier éditeur. Et il s'est effectivement totalement focalisé sur l'objet. Il a donné grâce à ça ses lettres de noblesse immédiatement à La Talente en se faisant fort de présenter des typographies et des objets soignés pour une littérature populaire qui n'avait pas toujours cette attention. Littérature populaire, tout de suite, c'est un mot qui vous tient beaucoup à cœur, Mireille, qui tenait certainement également à cœur à Pierre Michaud. Pourquoi littérature populaire ? Alors, le premier nom de collection à La Talente, c'est Bibliothèque de l'Évasion. Et pour moi, la littérature populaire, pour nous, hein, parce que c'est encore le cas de tous les gens de La Talente, c'est de l'engagement vis-à-vis du lecteur, c'est de l'engagement vis-à-vis du monde. Et parfois on parle de littérature engagée pour la science-fiction ou pour ses auteurs. Je pense vraiment que l'engagement premier, sans faire de chapelle ou de se demander qui est de droite ou de gauche, je pense vraiment que la littérature populaire, qui est cette littérature que les gens choisissent, c'est donc une littérature qui s'engage, qui prend la place dans la vie des gens. Il dégage du temps. C'est-à-dire que le livre de littérature populaire, policier, aventure, historique, science-fiction, fantasy. C'est un livre qui n'est ni un faux livre, ni un livre obligé. Donc, en ce sens, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment de l'engagement que de faire de la littérature populaire. C'est rentrer dans la vie des gens, comme vous, à la radio, vous rentrez dans les foyers. C'est quoi un faux livre ? Alors, je restais... Ou un livre obligé, c'est quoi un livre obligé ? Alors, le livre obligé, c'est le livre scolaire. C'est quand même celui qu'on... sur lequel on doit rendre des comptes, on doit l'avoir compris et on doit pouvoir en parler de façon pour obtenir une attention, un résultat. Le faux livre, non, je vais rester correcte. Peut-être pas. Allez-y. Vous couperez. Non, mais ce que j'appelle le livre de belle-mère, c'est-à-dire quand tous les prix sont passés à l'automne, il faut faire des cadeaux à Noël à des tas de gens à qui on se demande bien ce qu'on pourrait leur offrir. Et les belles-mères sont merveilleuses, mais elles ont tellement de tout déjà. Que leur offrir, un livre. Voilà. Et donc, tous ces livres des prix qui sont parfois des livres fabuleusement brillants. Mais, à la limite, c'est pas le sujet. On va l'offrir de façon obligatoire. C'est-à-dire un livre un peu désincarné, quoi. C'est-à-dire que c'est un non-choix. Bien sûr que les gens ne liront peut-être pas. Alors que le livre de littérature populaire, il est là pour rentrer dans la vie des gens, pas pour meubler leurs étagères. Catherine Dufour, c'est intéressant d'entendre parler de littérature engagée quand on parle de science-fiction, surtout pour votre entrée à La Talente avec En temps la nuit, non ? Oui, entend la nuit et pas précisément de la science-fiction, hein, c'est plutôt de, on va dire, du fantastique. Et je voulais parler aussi d'une race de livres qu'on a oublié, qui est le beau livre, en général de la voile ou de la gastronomie, qui est posé sur la table basse du salon, en général en verre, dans le salon lui-même, qui en général est blanc, et qu'on n'ouvre jamais. Et ça, c'est le livre des gens qui ne lisent pas et qui n'ont même pas de bibliothèque, ce qui, moi, me dépasse. Mais sur cette notion de littérature populaire, la science-fiction, c'est en même temps, c'est un peu paradoxal, parce qu'effectivement, on l'a beaucoup, d'ailleurs, repoussé. C'est-à-dire que littérature populaire, c'était quelque chose de dire, voilà, c'est pas de la littérature noble, hein, c'est pas de la littérature blanche. Et aujourd'hui, finalement, c'est redonner ces lettres de noblesse à un genre qui est effectivement, et on en parlait beaucoup ici, un genre très populaire, mais qui, paradoxalement, a toujours un peu du mal à rencontrer son public en librairie. En librairie, il faut bien poser les livres quelque part. Donc, il faut avoir des étagères, il faut avoir des rayons, il faut avoir des étiquettes dessus. Pour moi, toute littérature doit être populaire. Pas de façon obligée. Vous pouvez parfaitement, vous, avoir envie d'écrire un livre sur votre métier, spécifiquement, vous adresser aux gens de votre métier, et ça va intéresser les gens de votre métier. Vous allez utiliser un bafouillis initiatique spécifique à votre métier, et tout le monde a le droit de s'adresser à un public restreint. Mais si on parle de littérature, elle a à être populaire, c'est-à-dire s'adressant au peuple des lecteurs et à nous tous. Mireille Rivalan, sur cette question-là, sur finalement, effectivement, la SF, ça a été en tout cas un peu catégorisé comme genre populaire avec quelque chose d'assez péjoratif dans cette description-là. Aujourd'hui, effectivement, on entend votre description et pourtant, dans librairie, il y a toujours cette difficulté. On en a parlé aux Utopiales ici autour de cette table avec les littératures de l'imaginaire qui ont toujours un peu de mal à retrouver, à rencontrer leur public. Oui, Catherine a tout à fait raison. Il y a énormément de livres en librairie et les boutiques de librairie, même quand on en fait des chaînes ou que des libraires aventureux décident de faire de grandes librairies en mètres carrés, il y a une prolifération de publications. Et ça, il faut que chaque chose trouve sa place. Alors après, il y a l'histoire. Il y a l'histoire qui fait qu'effectivement, les genres populaires se sont répandus avec le poche. Et qu'il y a eu tout un moment où le poche était, puisque c'était le moment populaire de l'édition, hein, et qui a beaucoup choqué, beaucoup de gens ont trouvé que ça allait être quand même très mal qu'on mette autant de livres dans les mains du peuple, peut-être. Et à partir de là, s'ancre dans, et c'est long de faire bouger les inscriptions dans le cerveau. Je n'utilise pas les imaginaires parce que justement c'est mieux que ça l'imaginaire. Et du coup, le polar est sorti de cela pendant les années 90. Mm-hmm. On va dire que les éditions Rivage et la création de La Noire par Patrick Reynal sans doute marquent l'envolée du roman noir, du polar vers le roman noir, et ça deviendrait de la littérature. Et puis, du coup, ça devient quelque chose que tout le monde s'approprie. Toutes les librairies générales ont un rayon polar. Et la science-fiction, pourquoi ça ne suit pas? Alors, il y a des histoires propres à la France, hein, sans doute. Ça change d'un pays à l'autre. Hein. L'Allemagne n'a pas les mêmes blocages, semble-t-il, si ça en est. Bon, on ne va pas se plaindre d'être en France et d'avoir la loi langue qu'il faut défendre. Le prix unique du livre. Et le prix unique du livre, comme le féminisme, etc. Mmh. Enfin, il faut tous les jours, que tous les éditeurs, à la place de n'importe quoi, devraient tous répéter loi langue, comme un mantra. Mais par ailleurs, il y a ce pays des lettres. Et du coup, le sentiment qu'il y a de la création quasi désincarnée dans le fait d'écrire. Enfin, alors que écrire, c'est écrire aux gens, c'est écrire pour des lecteurs. Toute littérature se doit d'être contemporaine. Et donc de parler du monde et de partir du monde dans lequel elle est. La science-fiction est encore considérée comme un sous-genre, vous pensez, en France aujourd'hui? Alors, oui. Et là, il y a donc cette prétention française à une littérature supérieure, je ne sais de quoi. Et ensuite, il y a sans doute quand même tout ce que les films ont amené d'une vision étroite de la science-fiction. Ça donne de très bons films, hein, dans beaucoup de cas. Mais ça, tout d'un coup, on se dit, ça va être pour des jeunes, des hommes, genre, la littérature du jeune, de l'homme blanc, etc. Enfin, et là, on a un faisceau qui se rétrécit. Oui. Catherine Dufour. Oui, moi, en tant que, justement, pas éditrice, mais autrice et lectrice, quand je rentre dans une librairie, moi je vois à peu près que de la littérature de genre. Là, je viens de finir La vraie vie d'Adeline Dieudonné. Elle passe tout son livre à avoir envie de construire une machine à remonter le temps. Si vous ouvrez un Houellebecq, il y a quand même plus de la moitié de Houellebecq qui est rempli de clones et bref de science-fiction. Et Musso, c'est du fantastique. Voilà. Donc pour moi, c'est une distinction artificielle. Maintenant, c'est vrai que je suis pas du côté des chiffres de vente et des placements en librairie. Bon, c'est un grand débat qu'on a eu et qu'on aura à nouveau sur cette question des collections, de la littérature blanche, de la contamination de la littérature blanche par les littératures de l'imaginaire, et puis la ségrégation encore un peu de ces collections particulières. Mais on est là pour parler, pour fêter un anniversaire et pour se réjouir. Donc on va parler de La Talente. La Talente, pourquoi d'ailleurs ce nom? Peut-être un peu pour ça, écoutez. Eh ben, vous te marrez, on avait des choses plus fortes que de faire marcher un disque avec un doigt. Électricité. Tu sais ce que c'est que l'électricité? Hein? Ben alors, c'est la TSF. Tu pourrais expliquer la TSF, non? Alors, discute pas. Discute avec ceux qui savent. Discutez, c'est toi qui a foutu trois sons là. Il n'y a rien à faire là. Ça marche! Va voir où le chercher maintenant! Allez! Oh, ça marche bien, mais! Oh, oh! Voilà. Mireille Rivalan, je vous laisse commenter ce petit extrait du film de Jean Vigo. Ben oui, 1934, Jean Vigo tourne La Talente. On a entendu Michel Simon. Voilà. Et c'est un couple de mariniers, Michel Simon, dit à Parlot. Son personnage, je crois que ça s'appelle Juliette, préférée un jeune Goldulureau, voilà, qui est Jean d'Asté, je crois, dans le film. Je le disais tout à l'heure, en 1979, Pierre Michaud, qui d'ailleurs, il paraît que Pierre Michaud a appelé la nièce de Vigo pour lui demander si elle était d'accord pour qu'il l'appelait oh, certainement. La Talente. Il avait déjà le droit d'auteur dans la peau. oui, mais je confirme. Je confirme que, ben, il faut faire attention parce que, voilà, faut pas, ce serait embêtant de se faire retirer un nom, quand même. La Talente, c'est aussi une héroïne mythologique, c'est aussi une femme puissante. Oui, mais alors là, je pense sincèrement que, alors bien que Pierre, puisque c'est lui qui est à l'origine de ce nom, ait un goût prononcé pour les divinités féminines, je pense que là, vraiment, c'était cette librairie de cinéma, le cinéma occupait sa vie. Et c'était trouver un nom qui raconte, oui, qui fasse rêver. La Talente, il ne pouvait pas mieux faire, je trouve, parce que cette notion d'équipage, être un marin d'eau douce, un marinier, c'est parfait pour l'édition. On va reparler de cette notion de collective qui est effectivement très important et très liée à l'histoire de cette maison d'édition. Au départ, vous le disiez, Mireille Rivalan, c'est le cinéma qui intéresse Pierre Michaud. La librairie d'ailleurs est spécialisée dans le cinéma. Et en 1981, va commencer à tâter un peu de l'édition avec un beaucoup éditorial qui sont les mémoires de Groucho Marx. Oui. Alors c'était son envie de l'objet. Le reportage auquel vous faisiez référence tout à l'heure est vraiment correspond à la réalité. Et bien sûr que là, il allait vers des thèmes qui lui étaient chers et à la recherche de ce qui, lui, finalement, en tant que lecteur, il ne trouvait pas. Et c'est peut-être une bonne façon d'être éditeur. Oui, je crois qu'on écrit ou on publie toujours le livre qu'on trouve manqué dans les rayons, ça c'est certain. Et donc, c'est cette activité d'édition un peu éparse, consacrée au cinéma. Il y a le déménagement, d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, en 86, dans la rue des Vieilles Douves, dans plein centre-ville de Nantes. Et puis, en 88, Pierre Michaud décide de changer de braquet. C'est à ce moment-là que vous arrivez, Mireille Rivalan. Oui, alors, ce que j'aime dans l'édition, moi qui ai aimé l'école, c'est que l'année est scolaire, c'est-à-dire 88-89. Donc, pour être extrêmement exact, je ne suis arrivée dans les parages qu'en juillet 89. Voilà. Donc pour clore cette saison 88-89, c'est pour ça que les 30 ans, 88-89, voilà. Ça fait une année complète d'anniversaire, on va pas s'en foutre. Voilà, donc comme on n'avait absolument pas le temps de s'en occuper en 2018, nous avons gentiment annoncé la chose aux Utopiales en fin d'année et nous filons la métaphore jusqu'à la fin de l'année 2019. Pourquoi ce changement? Pourquoi passer de l'édition de cinéma à l'édition de, on va dire, alors c'est, l'imaginaire c'est un peu anachronique parce que c'était pas exactement l'ambition de Pierre Michaud, mais en tout cas de s'attaquer à la science-fiction, à ces genres là, au fantastique, qui sont peut-être refaire un petit tour à la fin des années 80 en France un peu. Bon, il y a évidemment toujours la collection de Gérard Klein, Ailleurs et Demain, mais un peu, on est un peu dans l'entre-deux à ce moment-là. Alors effectivement, il a rempli sa librairie, pas seulement avec des livres de cinéma, même si à l'époque, les livres de cinéma sont un marché réel, hein, ce qui n'est plus le cas. Mais il le remplit avec les livres qu'il a aimé lire, et donc la littérature de genre, d'abord le polar et la science-fiction. Et là encore, il est un libraire qui n'a à vendre en science-fiction que des poches et les magnifiques livres de Gérard Klein. Et chez Robert Laffont. Et effectivement, son goût de l'objet... son plaisir qu'il a à fabriquer et à mettre en page un livre et lui donne l'idée absolument géniale, je trouve, de proposer un semi-grand format, hein, puisque nous étions en 13-18 à la base, et une collection qui est un jardin, c'est-à-dire la bibliothèque de l'évasion. Qui est la première collection de la Talente. Oui, voilà, et qui dit donc tout ce que je pense de la littérature populaire. Hein. On aurait pu, je me rappelle, de discussions avec Pénac, avec Puy, puisque les premiers accompagnants de la Talente sont plutôt du côté du polar, et ça correspond à la génération de Pierre Michaud. On a passé un temps fou à parler d'heures de lecture merveilleuse. Oui, Pénac proposait La Veilleuse. Bon, ça, c'est pas très gai, mais ça racontait qu'on allait user des lampes, vous voyez, à lire tous ces livres extraordinaires. Et voilà, donc il y avait absolument, mais alors, aucune idée de ce qui allait prédominer. Et c'était de la littérature de genre, littérature populaire, tout confondu. Vous parlez de littérature populaire, il y a un autre mot qui décrit un peu cette quête de Pierre Michaud à l'époque, au début, au passage donc à la création de ce qu'est La Talente aujourd'hui, c'est la définition du romanesque. Écoutez ce qu'il en dit au micro d'un certain Emmanuel Laurentin, nous sommes en 1994 dans l'émission Mauvais genre du camarade Angelier. Je crois que réellement il y a des genres de romanesque qui ont littérairement fait leurs preuves, qui ont apporté réellement à l'histoire littéraire tout court. Bon, je pense aux grands auteurs du roman noir américain, bien sûr, ou du roman noir moderne, mais je pense aussi à des auteurs de science-fiction pure, comme Philip Dick, qui de toute évidence restera comme un des grands écrivains du siècle, ou... bon, c'est le plus grand nom, certainement, en science-fiction, mais il y en a d'autres encore, des gens comme Spinrad, par exemple... Bon, l'évasion, elle tient peut-être dans un sens un peu plus large à une forme d'identification, hein, entre le lecteur et tel ou tel personnage que le romancier lui glisse sournoisement. Peut-être qu'il est là aussi, le romanesque, une forme d'identification comme ça. Identification exaltante, c'était peut-être un peu ça. C'était ce que vous ressentiez quand vous lisiez plus jeune les éditions Marabout, Marabout Fantastique ou les autres. Enfin. Vous allez finir par me faire déclarer que vraiment, oui, finalement, j'édite parce que pour retrouver ma jeunesse, quoi. Mireille Bellin. Quoi. Bon, ben, alors cela dit, je suis pas mécontente que tant d'années après, finalement, on dise un peu la même chose. Parce que je pourrais inverser, effectivement, romanesque et évasion. Enfin, bon, voilà, la question de l'identité et que Pierre pose là-dedans est importante, effectivement. C'est qu'il y a du personnage. Parce que dans le romanesque, on parle d'un rythme d'écriture et de personnage. Et ça, ce que les auteurs qui créent des personnages sont effectivement ceux qui sont promis, en tout cas à un lectorat. Je ne vais pas dire au plus grand succès, puisqu'il y aura différentes sortes de lectorats, mais ils sont promis à un lectorat. Catherine Dufour, qu'est-ce que vous en pensez de cette définition de l'identification romanesque de Pierre Michaud? Waouh. Là, je vais avoir du mal à rebondir sur ce que disait Mireille, parce que ça reviendrait à dire « Oh oui, alors moi, je suis publiée à La Talente. » Donc, je sais créer des personnages. Mais je le confirme. En fait, non, pas du tout. D'abord, je sais pas moi qui écris des livres, ce sont les livres qui me tapent sur l'épaule en me disant « Il faut que tu m'écrives. » Et quelquefois, c'est pas le moment. Et puis ensuite, les livres prennent la direction qu'ils veulent. Moi, je voulais écrire un livre de fantasy sur les sirènes. Alors, j'ai accumulé comme ça de documentation sur les récifs coralliens, sur les poissons. Le livre n'a jamais voulu. J'ai failli l'appeler pas la queue d'une sirène. Il n'a pas voulu que j'introduise les sirènes et les personnages se sont débrouillés et ont emmené le livre vers une toute autre direction. Alors maintenant, j'essaye quand même de faire un plan en leur expliquant qu'il faudrait suivre tout de même une trame narrative. Mais c'est très particulier ce métier d'écrivain. On croit qu'on maîtrise quelque chose et on maîtrise rien du tout. Alors qu'après, au bout, on nous dise « Ah, oh, c'est merveilleux, tu as su faire vivre des personnages. » Là, l'écrivaine va vous répondre « Oui, en fait, ils m'ont pas tellement demandé mon avis. » C'est un processus qui est assez bizarre. Alors, vous pouvez empêcher les personnages de faire ce qu'ils ont envie de faire. Hein, il suffit de les casser, de les tuer, et après, vous leur mettez des fils, vous les agitez comme des marionnettes, et ça donne juste de la bouse, quoi. Just what they say it for, I never knew. It's just inviting trouble for the poor sucker who says I love you. Take a pair of rabbits who get stuck on each other and begin to woo. And pretty soon you'll find a million more rabbits who say I love you. And begins to roar. There's another lion who knows just what he's roaring for. Everything that ever grew, the goose and the gander and the gosling too, the duck upon the water when he feels that way too, says quack, quack, quack. Everyone Says I Love You, c'était les Marx Brothers, puisque c'était finalement le premier livre jamais publié sous le sceau des éditions La Talente. Donc on avait envie d'écouter un peu les Marx Brothers, puisque nous fêtons tout au long de cette heure les 30 ans de cette librairie nantaise devenue éditrice et l'un des principaux acteurs de l'édition de science-fiction et d'imaginaire en France. Nous en parlons avec Mireille Rivalan, qui est directrice littéraire chez La Talente, et avec Catherine Dufour, qui vient de publier Entends la nuit chez La Talente, justement. Alors, on va reprendre un peu le fil chronologique, le fil historique. Les premières publications, Mireille Rivalan, ce sont avant tout des traductions, ce qui va d'ailleurs être l'une des marques de fabrique, l'attention apportée à la traduction chez La Talente. Pourquoi avoir commencé, quand vous rejoignez Pierre Michaud, à développer un catalogue avant tout international et pas national? Alors en fait, c'est Pierre Michaud qui est à l'origine de ce catalogue d'œuvres traduites. Ce que j'apporte, moi, dans au bout de 2-3 ans de présence à ses côtés, ça va être la partie de texte français. Et donc Pierre, parce qu'il est quand même avant tout donc lecteur de polar et de science-fiction, il a eu essentiellement accès à des textes de langue anglaise, une langue qu'il maîtrise. Et du coup, effectivement, c'est là qu'il va aller chercher les textes. Finalement, c'est un filet. Les grandes maisons d'édition lancent leurs filets. Il y a des trous dans les filets. Hein, c'est de la pêche. Et il sait qu'il y a des bouquins de Michael Moorcock, entre autres, qui ne sont pas traduits ou qui ont été ou dont les droits ont été abandonnés aussi, hein, puisque c'était le cas. Michael Moorcock, grand écrivain de fantasy notamment, avec la saga d'Elric le Nécromancien. Et donc du coup, il va comme ça glaner des textes. Et en se disant, mais il faut faire un catalogue avec d'abord le meilleur. Et effectivement, c'est-à-dire, parce qu'il y aura cette bonne compagnie, les auteurs français, bon, ceux qui n'existent pas encore, il faut attendre de les rencontrer, mais ceux qui existent, qui sont déjà chez d'autres éditeurs, auront envie de venir dans cette bonne compagnie. Et ça a été effectivement le principe de base. Donc, ce qui est resté de ça, c'est qu'effectivement, dans son culte de l'objet et dans son attention du coup qu'il a reporté à la qualité de la traduction et au travail, nous avons acquis, nous tous, à La Talente successivement, un fonctionnement d'attention au texte. Et pour ce qui est des traducteurs, effectivement, ils sont considérés comme des auteurs, ce qu'ils sont d'ailleurs, légalement. Dans ce filet, effectivement, vous avez cité Moorcock, vous arrivez, enfin Pierre Michaud, et avec Pierre Michaud, vous arrivez aussi à recueillir, à pêcher Orson Scott Card, et surtout quelque chose qui permet certainement, je le disais en introduction, d'ancrer, de stabiliser, de conforter cette maison d'édition, c'est Terry Pratchett et le Disque Monde en 93. Oui. Ouais, Terry Pratchett, alors je n'ai que la parole de Jacques Guamard qui a été vraiment un homme important pour nous, enfin un éditeur camarade comme d'autres, mais c'était un plus âgé. Jacques Guamard a avoué n'avoir pas pris Pratchett. Bon, nous-mêmes, nous n'avons pas pris d'autres choses. Bah, il paraît que vous avez raté le Trône de Fer, c'est vrai ? Oui. Ah bah raté, non, on a choisi de ne pas le publier. Ah bah non, c'est beaucoup mieux que ça. Waouh, la tête haute. Et donc, Terry Pratchett, le Disque Monde, c'est il y a cet effet de burlesque. Et Jacques Guamard, et sans doute tous les autres autour de lui, pensent qu'en France, ça ne marchera pas. Cela dit, quand on le fait, on ne se dit pas... Alors là, vraiment, on ne pense pas que ça va marcher, hein, puisqu'on a quand même juste très très peu d'années d'existence. Et on est déjà... On a vu que Corum, que le Septième Fils... Corum de Moorcock. Voilà, il y avait vraiment le Septième Fils d'Orson Scott Card avait trouvé leur place. Orson Scott Card, c'est la stratégie Ender, notamment, bien le sûr. Pisteur. Et donc nous, on a... récupérer, si je puis me permettre de dire ça comme ça, la série du Septième Fils. Mais on a bien vu qu'il y avait un lectorat dans ça. Enfin, le Disque Monde, effectivement, de Pratchett, ça, je dirais qu'il y a une forme d'inconscience. On ne sait pas ce qu'on est en train de publier. Après, les premiers livres, c'est facile de dire maintenant qu'ils présagent de la suite, mais en fait, ça reste effectivement des livres d'inventivité et de détente. L'œuvre que cela va devenir, et l'œuvre pour cet homme-là qu'est Terry Pratchett, et l'auteur qu'il va devenir, mais on n'imagine rien de tout ça. Saga immense, Catherine Dufour, qui vous tient à cœur, Terry Pratchett, c'est fou, c'est foisonnant, c'est drôle, c'est une saga indescriptible. Ah oui, non, mais moi, Terry Pratchett, c'est des hommes de ta vie. Ah mais oui, c'est mon Amérique à moi, c'est celui qui m'a sauvé la peau, parce que moi, j'étais jeune dans les années 90, permettez-moi de vous dire que c'était sordide, voilà, c'était les années sida d'avant la trithérapie, donc autour de moi, ça tombait comme à gravelotte, mon petit ami est mort, mon plus vieux copain d'enfance en est mort, et voilà, j'étais au milieu d'un cimetière, c'était abominable, et j'ai rencontré Terry Pratchett. Alors c'est même pas que je l'ai lu, c'est que je suis tombée dedans, j'ai tout lu, et puis j'ai tout relu, et puis je me suis dit, ce type devrait être remboursé par la sécu parce qu'il m'a sauvé la peau. Et je me suis dit, eh ben voilà, c'est une bonne raison pour écrire. Parce que j'écris depuis l'âge de 7 ans. Mais j'étais pas publiée, je voyais pas l'utilité. Et là, je me suis dit, faire rire les gens, ça a une vraie utilité. Et donc, j'ai écrit à Terry Pratchett en lui disant, est-ce que j'ai le droit de vous plagier? Il m'a pas répondu. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est qui ne dit mot consent. Et j'ai écrit Blanche-Neige et les lance-missiles en quelque chose comme une semaine. C'est à ce moment-là, évidemment, que je suis tombée amoureuse des éditions de La Talente. Pour moi, La Talente, c'est mon Gallimard à moi, quoi. Pour moi, c'est le Gallimard des littératures de fiction et de science-fiction. Et quand Mireille a accepté mon livre En temps la nuit, il y a un an de ça, enfin, je vous dis pas combien de bouteilles de champagne j'ai pu boire, combien de fêtes j'ai pu faire. Heureusement que le livre était écrit. Donc sur Terry Pratchett, je peux vous... Parce que pour moi, c'est pas uniquement du burlesque. Alors c'est un burlesque déjà que j'adore parce que c'est un humour très fin et très british. C'est entre Monty Python et le Douglas Adams du Guide du Routard Galactique. Mais c'est aussi quelqu'un qui prend à bras le corps des thématiques dans Va-t'en guerre, par exemple. Il explique comment une guerre peut se déclarer extrêmement bêtement et l'impact sur les populations. Il parle de comment on crée une monnaie dans Monnayer, comment on crée une monnaie en la tirant carrément du néant dans Timbré. Il parle de population. Il est à tous les niveaux. Il est au niveau personnel, au niveau individuel et aussi au niveau politique et macro-politique. Je le trouve très très riche. Je trouve que ces livres, bien sûr, sont inégaux. J'essaie de pas trop voir la fanatitude qui revient à lui faire des reproches sur des petites pétouilles, même si vraiment il exagère, parce que Magrat Gousdaille au début, au troisième tome, elle louche, et au cinquième tome, elle ne louche plus, et ça, c'est pas normal. Ça, c'est Patrick Couteau aurait dû corriger ça. C'est le fait de tous les grands auteurs. Regardez, voilà. Alexandre Dumas dans Les Trois Mousquetaires, de tous les grands feuilletonistes, ils se trompent, Milady change de couleur de cheveux. Voilà. Vous savez, ce sont des choses qui arrivent. Oui, et George R.R. Martin. Tout à fait. George R.R. Martin n'arrête pas de se faire engueuler par ses fans qui lui disent, mais là, à la page 23, vous avez dit que, voilà. Donc pour moi, Terry Pratchett, effectivement, Disque-Monde, c'est ce qui m'a mené finalement à une carrière d'écrivain. La saga du Disque-Monde, donc publiée par La Talente. Et puis, à titre personnel, on peut recommander un autre auteur que j'adore, Neil Gaiman, alors qui n'est pas La Talente, qui est au Diable Vauvert, mais qui a écrit avec Terry Pratchett un livre à mourir de rire qui s'appelle De bons présages, qui va être adapté d'ailleurs très prochainement en série à la télévision. Et alors, parlons un peu des auteurs français, Mireille Rivalan, parce que c'est effectivement votre domaine. Là aussi, une grosse prise très vite, assez rapidement, c'est Pierre Bordage. En 93. La même année que Terry Pratchett. C'est l'année voilà. De la win. Un grand poisson. Extraordinaire. C'est peut-être, on devrait peut-être plutôt faire une, en fait, nos anniversaires en fonction de 93. oui, Pierre Bordage, qui, lui aussi, qui est passé à, dans les mailles du filet. Puisque le même Jacques Gomard l'avait lu, Les Guerriers, mais il trouvait Les Guerriers du Silence, la trilogie. Les Guerriers du Silence, donc, qui est le premier livre que Pierre Bordage propose aux éditeurs de France, et il le trouve trop gros. Ce qui est vrai, c'est un gros livre. Pierre Bordage le dit, on a pris une petite citation. J'ai fait mes études à Nantes, je n'avais jamais entendu parler de La Talente avant d'y publier. En effet, je suis parti de Nantes avant que La Talente ne se crée. J'ai écrit Les Guerriers du Silence en 85-86 et cherchais à le publier sans vraiment être au fait de l'état de l'édition en SF francophone en France, où les auteurs étaient alors confinés dans des collections très restreintes de 188 pages souvent. Moi, j'arrivais avec un manuscrit de 700 pages, je ne trouvais pas d'éditeur, j'avais donc un peu abandonné l'idée de faire publier le livre au bout de 6-7 ans, jusqu'à ce que je descende au Virgin des Champs-Élysées, que je vois le livre d'Orson Scott Card, que j'aimais beaucoup, publié par La Talente. J'ouvre le livre et je vois le traducteur. C'était Patrick Couton, que j'appelle donc, qui me dit d'envoyer mon manuscrit à Pierre Michaud. Au bout de 3 semaines, Michaud m'appelle en me disant « Ok, pour la publication d'une trilogie ». Oui, alors, c'est grâce au banjo qu'on publie Pierre Bordage, puisque Patrick Couton, quand lui était étudiant, Pierre Bordage était étudiant, il est vendéen, il remontait vers Nantes et Patrick Couton l'a pris en stop. Il y avait des instruments de musique et il s'en est suivi des cours de banjo. Pierre Bordage et Patrick Couton font encore du banjo ensemble. Nous faisons une fête à la librairie La Talente autour des 15 décembre et c'est notre fiesta de Noël où Patrick, Pierre et quelques autres amis musiciens jouent du banjo. Un autre mot, vous parliez de collectif, Mireille Rivalan, et c'est important puisqu'il y a une forme d'engagement dans la structure même de votre librairie, puisque Pierre Michaud tenait, avant son départ à la retraite en 2014, tenait à changer le statut de la Société de La Talente pour en faire une SCOP. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, nous y pensions depuis longtemps, et puis comme beaucoup de changements, c'est du travail. On est fort occupé, puisque voilà, on est éditeur. La question, c'est que quand on est éditeur indépendant, il y a aussi une entreprise. C'est pas de ça dont on a rêvé, de faire une entreprise, mais il n'y a pas beaucoup de choix. Quand on veut durer, il faut continuer à faire davantage de livres, parce que sans vouloir aller au-delà d'un certain nombre, mais on fait des rencontres, tout simplement, des rencontres d'auteurs, on a des désirs de livres, et tout ça finit ou très rapidement se fait une entreprise. Donc, l'entreprise, c'est chiant. Donc, comment faire ? C'est une belle aventure, l'entreprise, pas forcément. C'est un peu rêche par certains aspects. oui, c'est vraiment un mal nécessaire. Et donc, on a tenté en SARL pendant 20 ans, parce que la SARL, on l'a fini par la créer vers les années 91, 12, 13. On s'y ennuyait mortellement. Il y avait tout un rapport à une financiarisation. Bon, qui nous convenait peu, mais on a fait notre chemin. Et effectivement, quand il s'est agi de se dire que Pierre allait prendre sa retraite, mais qu'il y en aurait d'autres, qu'il la prendrait derrière, pour ma part, j'en approche. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Comment on transmet ? Et du coup, parce que nous étions bien entourés, la SCOP est arrivée comme une évidence. Après, il fallait que l'ensemble de l'équipage, du coup, s'y investisse. Mais compte tenu de notre fonctionnement préalable, parce que l'édition est un métier collectif. C'est une société coopérative, c'est-à-dire que finalement, c'est une tout société. Le monde... Voilà. D'abord, c'est une entreprise, c'est une société, mais effectivement... C'est-à-dire que tout le monde a des parts égales dans la société. Voilà, a des parts. Alors, on peut faire plein de choix. La notion de société coopérative a beaucoup évolué, et elle s'appelle donc société coopérative participative, désormais. et non plus société coopérative de production. Mais bon, c'est effectivement le fait qu'il y a un engagement des gens qui travaillent. Alors un engagement volontaire, on peut être salarié non sociétaire, mais effectivement, il y a une vocation à ce que le salarié soit sociétaire. Et sur les décisions fondamentales en Assemblée Générale, un homme, une voix, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des parts plus importantes, que ça ne changerait rien. C'est vraiment la personne qui fait la valeur et non pas son pognon. Oui, et là je valide effectivement, c'est une équipe d'un grand professionnalisme. Voilà. Il y a beaucoup d'éditeurs de très bonne qualité, je dis absolument rien contre les autres. C'est pour ça que ce sont des beaux objets, je veux dire, les textes sont bons. L'objet livre en lui-même est beau. Les couvertures sont quand même extrêmement chiadées. Et moi, quand je suis arrivée avec mon texte, il y a un travail sur le texte de fond. Et Mireille est une des rares personnes à m'avoir dit quelque chose comme « la fin, c'est pas bon, faut la changer ». Et elle l'a dit avec une grande, de toute façon très suave. Enfin, c'est très bien passé. Tu l'as fait, c'est l'essentiel. Très diplomatique. Et parce que d'habitude, moi, j'arrive avec un texte, on me dit oh ben super, et puis pouf, il sort comme ça. Bon, alors je ne veux pas que je veuille qu'on réécrive mon œuvre. Je ne veux pas qu'on en change une virgule, mais c'est bien d'avoir un regard objectif qui sait pointer exactement là où ça ne va pas. Et ensuite, il y a eu un travail sur les phrases qui n'était pas intrusif. Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu tendance à trouver que quand un mot n'existe pas, comme je suis écrivain, j'ai le droit de l'inventer. Alors du coup, tout le monde ne comprend pas. Puisque, bon. Là, il y a eu un travail très fin sur la beauté du vocabulaire, du texte et des tournures. Et il paraît que j'ai beaucoup de vilains réflexes de femmes qui lient trop de textes en anglais, c'est ça ? Il paraît qu'il y a une contamination de tournure anglo-saxonne dans la littérature actuellement. Et puis après, bon, tout le travail sur les pétouilles qui est aussi fait, c'est fait rapidement, c'est fait simplement, il n'y a pas de volte-face, et ça, finalement, avec un travail assez rapide, on arrive à un texte qui est sans coquille, ce qui est bien agréable. Et puis les gens sont très sympas, quoi. Yann est adorable. Enfin, après, une fois que le livre sort, il y a Soledad qui prend en charge tout ce qui est les relations avec la presse et qui est aussi adorable. Enfin, c'est un peu que du bonheur. Et bravo, parce qu'en général, c'est le management qui fait qu'une société marche bien comme ça, dans une bonne ambiance. Donc, félicitations, Mireille. C'est l'anniversaire, c'est cadeau. Mais je prends. Comment ça se passe justement aujourd'hui, Mireille Rivalan, à La Talente, notamment pour les auteurs français? J'imaginais que vous devez avoir beaucoup de manuscrits. Il paraît que vous êtes assez dur en affaires. Vous avez refusé Le goût de l'immortalité de Catherine Dufour, qui a pourtant été Grand Prix de la Méginère en 2007. Trop triste. C'est pas dans le ton de La Talente. La Talente, c'est des livres humanistes. Et Le goût de l'immortalité n'est pas humaniste. Alors ça, oui, c'est vrai, cela dit, quand même, moi, c'est le goût de l'immortalité. J'aurais tendance à penser que là, on va le mettre de façon moins prestigieuse par rapport au refus de Game of Thrones, dans peut-être quand même un petit manque de réactivité, parce que c'est un livre que j'ai lu, relu encore d'ailleurs récemment, l'année dernière, quand on a commencé à travailler ensemble, et j'ai quand même beaucoup aimé ce livre. Comment ça se passe aujourd'hui, du coup, Mireille Rivalan, entre les traductions, les auteurs français? Vous êtes très parcimonieuse dans les nouveaux noms que vous publiez. Alors, nous ne publions pas tant que ça de livres. Une quinzaine par an? Alors, en fait, plus, Nicolas. En fait, on est à 35 livres par an, plus, oui, sachant que quand même, là-dedans, il y a parfois des nouvelles éditions. Là, nous avons effectivement du Poche qui prend un petit peu de place et c'est un Poche qui reprend des livres du fond. Ce n'est pas si accueillant parce que tout simplement, d'abord, nous faisons du suivi d'auteurs. Alors, les auteurs eux-mêmes de science-fiction ont tendance à la série, ce qui n'est pas le cas de Catherine. Mais donc, quand vous avez Pratchett qui... qui est disparu en 2015, mais qui avait écrit des annales qui faisaient plus de 40 bouquins. Ça occupe de la place. Pierre Bordage, qui a fait quelques one-shots, mais quand même qui fait des trilogies, qui a même fait une série en 5 volumes, la trilogie du Panka, la série du Panka. Ça veut dire que tout cela, et c'est pareil pour les auteurs étrangers, ils occupent, je dirais, d'emblée, quasiment la moitié et les deux tiers très vite du programme. Partant de là, et bien des nouveaux auteurs, c'est vraiment... Alors, la notion de coup de cœur, c'est la formule consacrée. Il y a la rencontre, il y a tout d'un coup l'appétit, cette chose qu'on n'a pas encore entendue, le désir du compagnonnage. Parce que pour moi, le rapport aux auteurs est un compagnonnage. Et quand Catherine dit « Mais alors, on a finalement travaillé sur mon texte et cela s'est passé agréablement », mais c'est tout simplement parce que son texte, je l'aime. Et en parler et se dire « Là où tu es la meilleure, là où tu es le meilleur quand c'est un garçon, tout ce que j'entends, c'est très, pour moi, c'est j'ai une formation musicale un peu à un moment dans ma vie, donc tout ça est à l'oreille, mais tout ce que j'entends qui pourrait être au niveau de là où tu es la meilleure, mais je le veux. Enfin, c'est vraiment du désir et du compagnonnage. On n'a pas accueilli Catherine Dufour totalement par hasard, puisqu'on aime beaucoup Catherine Dufour. Déjà, ça c'est une bonne raison d'accueillir Catherine Dufour, mais aussi parce que c'est intéressant d'entendre des voix féminines parler de science-fiction. C'est un milieu quand même très masculin. Et vous faites attention également à la Talente, à développer un catalogue d'autrices. Oui. Alors, en tout cas, on le fait. On le fait avec bonheur. Sans doute que la conscience de cela est plus forte, là, ces dernières années, mais parce que, quand même, le monde avance. Hein. Et c'est des choses auxquelles on ne pensait pas en ces termes, sans doute, dans les années 90. Disons qu'en 2019, oui, je dirais que j'ai fait le calcul, d'ailleurs, en pensant à l'émission, sur 21 auteurs publiés. C'est pas glorieux encore, hein. Il y aura 6 femmes. Donc on approche les 30%. On va dire que, bon, je ne vais pas rentrer dans les considérations de type minoritaire, parce que les femmes ne sont pas minoritaires. Non, donc elles sont majoritaires statistiquement déjà. Donc. La question, est-ce qu'on va aussi faire du transgenre, du ceci, du cela? Bon, non. Ça, je ne me pose pas cette question-là, puisque le rapport homme-femme, là, c'est autre chose. Évidemment que personne ne s'est jamais interdit, je pense, de publier une femme. Je ne peux pas l'imaginer, en tout cas pas à la Talente. Mais le fait que les livres écrits par des femmes ne nous arrivaient pas est une réalité. Il y a de plus en plus de femmes qui écrivent de la science-fiction. Un petit mot rapide, on arrive dans les dernières minutes de cette émission. Alors vous avez raté... En tout cas, passer à côté du goût de l'immortalité de Game of Thrones, mais la Brigade Chimérique, la bande dessinée de Serge Lehmann, qui est un auteur qu'on adore aussi, de Fabrice Collin, peut-être adapté, peut-être que c'est cette fois-ci... Dans les œuvres majeures que la Talente a publiées, il y a la Brigade Chimérique. La Talente se met à faire de la BD. Sorte de gentleman extraordinaire, version des super-héros français du début du XXe siècle. C'est, c'est brillantissime. Et la question du super-héros, et qui inclut cette réflexion dans l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale. Avec Marie Curie, notamment. Donc voilà, c'est vraiment... C'est une œuvre majeure. Et nous avons eu effectivement cette chance d'avoir cette lubie de faire de la BD. Parce que ça n'a duré que quelques années. Et je pense que là, même s'il y a eu d'autres œuvres de valeur, mais nous n'avons absolument pas percé le marché de la BD, si ce n'est que nous avons juste eu cette chance inouïe de vivre la Brigade Chimérique. Et donc, l'option cinéma est en cours. Nous espérons que le film se fera. Allez, un dernier mot pour nous dire un peu justement sur cette année anniversaire, 30e anniversaire. Quels sont les prochains titres, les prochaines publications qui arrivent à la Talente, Mireille Rivalan? Alors, surprise, il y aura au mois de mai un livre de Catherine Dufour. Oh. Mais c'est une surprise. On se l'est dit assez vite, effectivement, mais je suis très contente. Et ça s'appelle Danse avec les lutins. Et elle pourra le présenter aux lecteurs des Imaginales au mois de mai. Dans les choses majeures de ce premier semestre, il y a un auteur qui, là, est en train d'habiter les tables des libraires avec une autre série. C'est monsieur Steven Erickson, qui a toute une série de fantaisies. Qui est en cours de publication et qui réussit fort bien, pas chez nous, chez Léa Éditions, mais néanmoins à la Talente, il va y avoir une œuvre majeure de science-fiction qui s'appelle Rejoice, Réjouissez-vous en français, qui est un grand livre de science-fiction. Et avec Catherine, ce sont deux enjeux très forts du premier semestre. Et puis on suivra, comme toujours, ces publications avec attention, bienveillance et aussi avec curiosité. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous parler de cet anniversaire qu'on vous souhaite joyeux. Merci Mireille Rivalan, merci, bravo à la Talente et puis pour 30 prochaines années. Mais tout à fait. Merci Catherine Dufour, Entends la nuit donc chez la Talente. Tout le reste, vous le connaissez, on va vous le mettre sur le fil Twitter de l'émission et puis Danse avec les lutins donc au printemps. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Villefranc, Éléonore Pérez, Olivier Bétard à la réalisation, Eric Boisset à la technique. Dans les prochains épisodes de la méthode scientifique, lundi, nous parlerons du gras qui n'est pas que mauvais, bien au contraire. Mardi, on parlera des sursauts radio et gamma dans l'espace. Mercredi, du projet de nouveaux grands collisionneurs de 100 km au CERN. Jeudi, des modèles alternatifs à la gravitation. Et ce sera un vendredi, actualité des sciences et de la recherche. Demain à 16h, vous retrouverez le camarade Étienne Klein pour la conversation scientifique. Nous, on se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.